Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous ouvrons l'émission avec la grille du frêne. Ce petit insecte, un coléoptère asiatique, a atterri accidentellement en Amérique vers la fin des années 90 et depuis, il fait des ravages. Tuant des dizaines de millions de frênes d'abord aux États-Unis, l'insecte est désormais présent à Montréal et Laval. Et Québec sera-t-elle la prochaine ville atteinte en 2014? Alors, on en parle avec Christiane Dupont. Bonjour Christiane. Bonjour François. Alors, Christiane, tout d'abord, si tu parlais de quoi ça a l'air, la grille du frêne, qu'est-ce que c'est? La grille du frêne est un petit insecte, comme on disait, asiatique. Donc, c'est un coléoptère vert métallique. Pas très grand, environ 1,4 à 1,8 cm de longueur. Il y a une couleur cuivrée sous les ailes lorsqu'il s'apprête à prendre son envol. Les larves, comme beaucoup de larves d'insectes, c'est un vert blanc plat. Donc, c'est pas si évident que ça de le voir. Et ils peuvent mesurer jusqu'à 3 cm de long à leur dernier stade de croissance. Donc, les larves sont un peu plus grandes que l'adulte. Donc, il est facile à reconnaître d'après ses caractéristiques. Oui, mais c'est pas si simple que ça à diagnostiquer, comme on va d'accord. Voir. Alors, pourquoi la grille du frêne est si problématique chez nous, en fait? Bien, malheureusement, la grille du frêne ne vient pas d'ici, n'est pas endémique. Les animaux, les parasites, les autres insectes ici ne le connaissent pas. Donc, ils savent pas c'est quoi. C'est un intrus. Oui, c'est ça. Malheureusement, tous les attributs qui font de lui un insecte envahisseur par excellence. Parce que, il est arrivé ici par erreur. On soupçonne par du bois en Asie. Souvent, les bois sont traités pour se promener internationalement. Et puis, il y a beaucoup de lois. Ici, ils disent toujours acheter du bois, du chauffage. Brûlez-le localement. Oui. Beaucoup pour. Donc, mais quand ça vient de l'Asie, là, c'est souvent dans les navires de marchandises. Il y a moins de contrôle, c'est ça. Oui, puis il y en a, mais. À un moment donné, on peut pas tout contrôler, malheureusement. Puis c'est pas du bois d'œuvre, on parle. Je pense que c'est les emballages. Oui, c'est les emballages, craques de bois. Je sais pas exactement, mais le bois sert aussi dans les palettes. Ça peut être vraiment du bois qui sert un peu secondaire. C'est ça. Donc, la grille se reproduit très rapidement, se disperse très efficacement et est arrivée ici sans le cortège habituel de ses parasites et prédateurs et flore microbienne qui accompagne dans un écosystème complet. Donc, en Asie, la grille, la plupart des frênes sont résistants, probablement à cause d'une coévolution. Donc, la plupart des frênes ne sont pas disparus en Asie. Il y a d'autres espèces de frênes qui vivent. Et puis, c'est un insecte parmi d'autres. Il y a ses propres prédateurs. Ici, personne ne les reconnaît. Personne n'a le goût de les manger. On ne sait pas c'est qui. Il y a des oiseaux qui peuvent les manger, mais il n'y a pas un parasite particulier qui est venu avec. Donc, il n'y a pas de prédateurs. Non, il n'y a pas vraiment de frein à sa croissance. Et puis, ici, il affecte les arbres sains. Donc, pas juste les arbres faibles, malades, vieux. Donc, les arbres sains, tout le monde y passe. Et peut tuer un frein dans 3-4 ans, ce qui est assez rapide. Oui, tout à fait. Pour un insecte. Les deux stades. Le stade adulte de l'insecte va causer des dommages plutôt esthétiques aux frênes. Donc, va manger les feuilles sont pas belles. Mais c'est pas ça qui tuerait l'arbre, c'est vraiment les larves. Parce que les larves, elles vont en dessous de l'écorce, c'est la partie extérieure de l'arbre, il y a ce qu'on appelle le phloème. Le phloème, c'est la partie qui est très vivante, c'est là-dedans que la sève. C'est le système circulatoire de l'arbre. Donc, la sève amène les nutriments, les sucres, les minéraux, c'est essentiel à la vie de l'arbre, c'est sa circulation. Et puis, elles vont creuser, les larves, des galeries dans le phloème. Donc, ça coupe la circulation, ça bloque la circulation de la sève, ça fait plein de petits labyrinthes, des petits S, faut voir des photos, là, on tape ça sur Internet, on le voit très facilement, c'est plein de petits chemins de larves sous l'écorce qui briment la circulation, finalement. Puis j'imagine qu'un arbre peut être infecté par plusieurs, pas rien qu'un insecte, mais plusieurs. Non, mais souvent, l'insecte, tu sais, il pond des œufs, il y a plein de larves qui sortent, et puis, voilà. Donc, c'est ça, c'est pas un individu, mais ils se reproduisent très rapidement. Et puis, quand est-ce qu'on a détecté la grille du frêne au Québec pour la première fois? C'est ça. Aux États-Unis, c'est depuis fin d'année 90, début 2000, mais au Québec, c'est en juillet 2011 que la grille du frêne a été découverte pour la première fois à Montréal. Donc, c'est quand même proche de Québec. Oui. Il y a 200 000 frênes qui sont publics sur des terrains publics qui appartiennent à la ville de Montréal qui pourraient être menacés de destruction d'ici une quinzaine d'années environ. Et puis c'est sans compter ceux sur les terres privées, donc les terrains dans les grands. Parce que les gens en ont sur leur terrain, c'est exactement. Ça. Il y en a peut-être sur les terrains de golf aussi. Oui, il y en a partout. Puis ça, c'est difficile, je vais revenir, parce que côté réglementation, la ville de Montréal ne peut juste agir sur ses arbres publics. Oui, c'est un fait. Donc, on va y revenir. Les symptômes sont parfois durs à détecter parce que C'est quand même sur une échelle de temps. On dit 3-4 ans, c'est pas long, mais c'est pas non plus à la vitesse de l'éclair pour un observateur. Donc, il y a un dépérissement du feuillage à la cime au départ. À la cime, c'est oui. ça? Il va y avoir des repousses de branches sur le tronc, des oui, petites oui. branches un peu qui n'ont pas lieu d'être habituellement. Ouais, okay. Il va y avoir des trous de pic-bois parce que les pic-bois, eux, peuvent se nourrir de la grille, sauf que ce n'est pas suffisant comme contrôle. Oui, je comprends. Et plus tard, on peut voir des trous en forme, des petits trous dans l'écorce parce que les larves vont sortir. Et puis quand on lève l'écorce, on voit des galeries en forme de S un peu partout. Okay, okay. Mais ce n'est pas si évident. Puis pour un résident qui a un frêne, bon, il est-tu affecté? Ce n'est pas quelque chose qui est si évident que ça. Mais, pardon, aux États-Unis... Ça a vraiment causé beaucoup de ravages. Il y a des photos qu'on peut voir sur Internet, par exemple au Michigan, où ça avait affecté, je crois, j'avais lu 50 millions d'arbres juste au Michigan. Ils ont coupé aussi beaucoup de coupes préventives, mais ça donne rien. C'est plus la stratégie adoptée maintenant parce que couper, ils voulaient couper pour freiner la dispersion. Ben oui. Ça marche pas. Ouais, OK, parce qu'ils peuvent voler, j'imagine, ces insectes. C'est ça. Donc, ça a pas freiné suffisamment. Puis on voit des grandes allées où il y avait beaucoup de monoplantations de frênes aussi. C'est souvent ça, des belles allées avec des arches d'arbres. Et voilà, tout est mort. Il n'y a plus d'arbres du tout. Ça devient désolant, ça. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à dépister puis aussi à traiter, en fait? Bien, il faut faire affaire avec un professionnel. Si on a un frêne sur notre terrain, je suis à Montréal, bien, il faut peut-être contacter la ville. Mais bon, c'est pas nous à l'œil comme ça. Il y a deux techniques. C'est l'écorçage. Donc, on prend des branches, on enlève l'écorce étage par étage et puis on regarde comme en dessous, là, l'état du phloème. Et on peut mettre aussi des pièges à insectes. Peut-être que vous avez déjà vu ça, mais j'ai déjà vu ça, je pense, sur la ville de Québec. À un moment donné, il y a un arbre, sur la rue, il y a un petit panneau. Ah, piège à grille du frein. Tu sais, il y a des petits tests qui se font. Donc, mais c'est plus long, par exemple, comme méthode aussi. Montréal, à date, privilégie l'utilisation d'un biopesticide pour... il y a moyen de traiter les arbres en prévention. En prévention. En prévention. Pas atteint, et puis, là, oui, à moins qu'ils soient atteints très, très, très, très faiblement, qu'on le prenne vraiment au début. Okay. Ce qui n'est pas toujours évident. Ça s'appelle le triazine. C'est dérivé du margousier. Donc, l'arbre margousier est un arbre présent en Inde et en Afrique. Donc, c'est un arbre qui traite un arbre, finalement. C'est quand même bien. Oui. Et le margousier est des propriétés insecticides connues depuis des milliers d'années, qui est utilisé beaucoup en Afrique et en Inde pour les poux, les vers. Donc, il y a un composé qu'ils ont extrait, qu'ils ont concentré. Et qui tue la grille du frêne? Qui va protéger pour 2 ans. Donc, c'est comme ils font une genre d'injection. Je ne sais pas exactement le processus. Et ça peut prévenir un dépérissement trop rapide s'il est traité très tôt, mais... Il faut refaire aux 2 ans pour toute la durée de vie de l'arbre. OK. Et ça doit coûter cher aussi, j'imagine. Oui. Ça doit pas être donné. Pardon. C'est quand même un montant assez élevé. Puis, mais malheureusement, c'est la seule. Parce que aussi, il faut penser la valeur d'un grand arbre mature sur un terrain pour une maison. Ça a beaucoup de valeur. Donc, c'est quelque chose à peser dans la balance. Puis pour l'écosystème. Puis là, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, aux États-Unis d'ailleurs, sur la grille du frêne et comment ça peut avoir des effets sur la santé publique gens. Parce qu'il y a des rues et des quartiers qui avaient beaucoup moins d'arbres, il y avait plus de problèmes cardiaques et de décès dans ces quartiers-là. C'est un fait. C'est prouvé, effectivement. Ouais. Mais si on revient à plus grande échelle, parce que comme tu disais, à la ville de Montréal, il y en a des centaines de milliers. Est-ce qu'il y a un plan de lutte? Est-ce qu'il existe quelque chose? Ben justement, cette semaine, il y a eu un sommet à Montréal sur la grille du frêne qui rassemblait une cinquantaine d'élus et de fonctionnaires de l'île de Montréal, donc de différentes, parce que la ville, mais il y a plein de petites municipalités. Des communautés autour. Et puis, pour essayer, leur but était de faire une réglementation uniforme pour toutes les villes de l'île pour dire, bon, il y a quelque chose, on agit de telle manière. Mais malheureusement, ça a été rejeté. Ah bon? Parce que bon, tout le monde ne veut pas se faire dire quoi faire par une autre ville. Et puis on était. Bon, ça a été malheureusement pas été, même dans les médias, ça n'a pas été relaté comme un succès à cause de ça parce que ça n'a pas donné des résultats excessivement concrets. Et puis, comme je disais, la ville n'a pas d'emprise sur les arbres sur terrain privé. Donc, ils ont beau tout faire. S'ils freinent sur un terrain privé. Il n'est pas traité. Ou il n'est pas diagnostiqué. C'est ça. Malheureusement, ça freine pas vraiment. Ça prend une approche globale, c'est exactement, très globale. Puis, faut pas avoir peur, je crois, de mettre les moyens parce que c'est quelque chose d'important. Les frênes ont beaucoup été plantés suite à l'orme, la maladie hollandaise de l'orme. Donc là, on a fait une monoculture. On a replanté beaucoup de frênes. Là, il y a un problème avec les frênes. Là, il y aurait peut-être un insecte, le longicorne, qui serait pour les érables. Donc, planter toujours la même chose à grande échelle, c'est jamais une bonne idée. Vive la biodiversité. Même dans les villes. Donc, depuis 3 ans, Montréal a fait du dépistage seulement sur environ 7 000 arbres sur les 200 000. Oh, donc, c'est pas beaucoup, ça. Là, l'insecte a été détecté sur 206 arbres jusqu'à présent. Donc, c'est pas encore la fin du monde. C'est ça. Mais cet été 2014, il y a encore du pain sur la planche parce qu'il faut vraiment mieux prévenir que guérir. Ça va être une année cruciale cet été. Là. Exactement. Puis, juste une petite parenthèse, il y a une autre approche qui serait testée par les scientifiques. C'est toujours plus risqué, c'est l'introduction d'un prédateur à la grille. Okay. Donc, des chercheurs américains ont passé plusieurs années en Asie. Parce qu'ici, il y a beau avoir des insectes qui ressemblent, ils ne les reconnaissent pas, ils n'attaquent pas la grille. Okay. Ils ne savent pas c'est qui. Donc, il y a une guêpe qui serait prédateur de la grille qu'ils ont trouvée en Chine. OK. On l'importerait, on l'introduirait ici et elle s'attaque. Faire un ennemi naturel. Bien sûr, c'est toujours délicat d'introduire un autre. C'est un fait. On ne sait jamais les répercussions dans 15 ans, 20 ans, 50 ans. Mais depuis 2007, aux États-Unis, au Canada, il y a eu des essais dans certaines régions. Puis ça a été prometteur. En Ontario, en 2013, il y a eu un essai par le Service canadien des forêts. Donc, à voir si ça va être efficace parce que c'est toujours risqué, mais c'est aussi une piste de solution. Bon, alors c'est intéressant. Merci, Christiane, de nous sensibiliser à cette problématique qui, malheureusement, risque de nous toucher aussi à Québec parce qu'il y a quand même beaucoup de freins ici. Oui, puis on n'est pas très loin de Montréal, donc il faut être vigilant. Ouais, c'est un fait. Alors, nous allons aller en pause musicale sur CKRL 89.1 et on vous retourne, on vous parle d'entraînement musculaire.